Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Oui, on a décidé de vous proposer ce nouveau format. Je suis ravie, je suis vraiment ravie. On va faire un tirage amoureux pour tous nos amis du zodiaque. Rien que ça, bah oui. Alors, on va le faire avec un joli oracle que voici, que voilà. Tout joli, tout fleuri, tout mignon. C'est le printemps. C'est un petit peu girly aussi. On va pas se le cacher. Ça sortit à mon pull, voilà, par exemple. Donc voilà, j'espère en tous les cas, en battant ces cartes, on va faire battre votre cœur, votre petit cœur de signe du zodiaque. Allez, on va faire un petit tirage rapide. Hein, c'est vraiment le petit tirage qui fait plaisir. On va essayer de trouver plein de petites lumières à allumer sur notre chemin, parfois lancé d'obstacles. Alors, chers amis Bélier, pour ce mois d'avril, que vous réserve ce mois d'avril? De quoi avez-vous besoin peut-être pour ce mois d'avril, chers amis Bélier? Hop. Le refus. Bon, on va passer au taureau. Non, je rigole. Alors, le refus. Dire non peut être une source de force. Voilà, on prend toujours le positif. Et les nouvelles perspectives que cela offre. Donc, dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Voilà, vous avez vu, je l'avais dit. Donc, c'est exactement ça. Je vous la montre quand même, cette jolie carte. C'est le refus. Voilà, peut-être que vous allez refuser un engagement, quelque chose. En tous les cas, il faut... Voilà, dans les relations, puisqu'on est là sur un tirage amoureux, il ne faut pas hésiter à dire non. Dans tous les domaines, hein, quand on est en couple, on parle de consentement, évidemment, quand c'est non, c'est non. Mais voilà, quand quelque chose ne plaît pas, quand vous n'avez peut-être pas envie de faire quelque chose, sauf évidemment si vous faites plaisir à l'autre, ça oui, ça. Mais si vraiment il y a quelque chose qui vous déplaît, dites non. Voilà, c'est juste pour avancer, l'autre doit comprendre, j'imagine. Et pour avancer, bah, après à deux, dans des choses qui vous font plaisir à deux. Voilà, pour tous les cas, si vous n'êtes pas d'accord, dites non en ce mois d'avril, chers amis Béliers. On va passer maintenant au tirage de nos amis Taureau. Elle est tombée toute seule. Alors, je vous la montre. Belle carte avec un jeu de domino. Tac. L'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Voilà, alors peut-être, je ne sais pas, si vous souhaitez faire plaisir à l'être cher, ou si vous souhaitez peut-être attirer l'attention de quelqu'un, tout simplement faites, ayez recours à votre imagination. Vous en avez, on le sait, hein, vous êtes de toute façon quelqu'un de très créatif, les taureaux. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit peu votre esprit sortir des sentiers battus, pour que ce soit pour séduire ou pour entretenir la flamme. Ce mois-ci, faites preuve d'imagination et passez à l'action. Poursuivons tout de suite avec nos amis taureaux. Avec nos amis, non, on vient de les faire. Alors du coup, hop, on la remet par là. Amis gémeaux. Pour ce mois d'avril. Amis gémeaux. Pas facile ces cartes. Je suis habituée aux petites cartes. On va prendre le coup de main de toute façon. Voilà, chers amis gémeaux. Pour les Gémeaux, en ce mois d'avril. Gémeaux, est-ce vraiment un privilège? Chers amis Gémeaux, si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, certes, le sont-elles vraiment sur les gens? Ouais, on ne se fie pas aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences, c'est ce que je dirais, moi, en voyant cette carte. Voilà, j'aimerais rappeler, effectivement, qu'il est bon de ne pas tirer de conclusions hâtives sur les personnes, n'est-ce pas? On ne sait pas ce que les personnes traversent, et il faut partir du principe que chacun traîne un petit peu son fardeau, quel que soit son statut. Donc, indulgence envers tout le monde. Ça, c'est certain. Je pense que le mieux, c'est de rester ouvert aux autres, de pouvoir échanger de manière sincère avec les autres. Voilà, en s'imaginant que souvent on se fait de bien fausses idées sur les autres personnes, donc n'hésitez pas à ouvrir le dialogue pour tisser des relations authentiques en tous les cas. Voilà, authentiques et sincères. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux. Poursuivons avec les cancers. Cancer, mois d'avril. va venir. Changement de direction pour vous, ami Cancer. Avec ce petit oiseau qui m'a l'air un petit peu perdu. Voyons, voyons. Avenir futur là-bas. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Et là, donc, on est dans les sentiments. Donc, si peut-être on avait des plans tout tracés, tout écrits, je dirais qu'il vous faut peut-être ouvrir un petit peu l'esprit. Peut-être même, pourquoi pas, un déménagement avec l'être aimé, un aménagement. En tous les cas, il va se passer un changement pour vous. Donc, si vous êtes en couple, effectivement, ça peut être aussi un engagement, hein, quelque chose un futur, on le voit, il y a le changement de direction. Ça peut être un déménagement, on change de direction, on déménage. Et puis, que dire d'autre? Et puis, si vous êtes solo, peut-être que ça veut tout simplement dire aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous changez la direction qui était jusque-là la vôtre. Donc voilà, du nouveau en somme pour tout le monde avec cette carte du changement. Voilà, carte maintenant, tirage du lion. On passe au lion. J'espère que je n'oublie personne. À chaque fois, je regarde pour n'oublier aucun signe. Donc, la carte du lion, l'amour sentimental du lion pour ce mois d'avril. Domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. On a parlé d'aménagement il y a deux secondes. Voilà, on est passé au lion. Lion, voyons. Chers amis lions, un nouveau foyer vous attend donc et vous y trouverez le bonheur. Eh bien, pourquoi pas effectivement hein, un aménagement avec l'être aimé pour vous aussi. Dis donc, il va y avoir des ça va déménager en tous les cas au mois d'avril. Peut-être c'est tout simplement même si vous êtes en solo hein, de vous retrouver. En tous les cas, vous allez trouver le bonheur. Donc ça peut être aussi de changer, peut-être que vous avez quitté quelque chose, que vous changez de foyer, peut-être qu'il y a une séparation pour vous et que vous allez réaménager dans un nouveau foyer pour être heureux. Déjà être heureux seul c'est bien, donc et c'est même essentiel pour être heureux à deux. Donc si c'est le cas, prenez le temps de vous ressourcer. Le bonheur, ça peut être aussi tout seul et puis il sera encore plus fort quand vous serez deux. Donc voilà pour nous, pour les amis les lions. Passons maintenant vierge. Avenir sentimental de nos amis vierges pour ce mois d'avril. Alors, voyons. Tac. Se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Voilà, voilà. Autrement dit, chers amis, vierges, laissez faire. Laissez un petit peu baisser la garde. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous peut-être faire de nouvelles rencontres. Si ne vous fermez pas, voilà. Si on vous sollicite, que parfois, vous préférez rester chez vous tranquille, ou que vous avez peur de l'inconnu, peut-être que cette fois-ci, au moins, on trouverait la porte pour voir. Il y a sûrement de très belles choses à découvrir, voilà. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien là, laissez peut-être votre moitié vous faire une agréable surprise et accueillez-la avec bienveillance. Les jolies surprises, voilà, il ou elle aura voulu bien faire. Donc, laissez-vous surprendre et accueillez ce qu'il y a de nouveau. Voilà. Allez, poursuivons avec nos amis balance. Balance sentimentale au mois d'avril. Timide et inaccessible. Caché derrière son livre. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est un petit peu comme dans le tirage précédent. Ce mois-ci, chers amis, va peut-être vous falloir en effet sortir de votre zone de confort. Voilà, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc, n'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus. Aller chercher un petit peu de nouveautés, de vous ouvrir du coup de nouveaux horizons. Et de faire de belles rencontres, qui sait. Voilà, scorpion. Scorpion, avenir sentimental, avril. Le bal. Vous allez danser peut-être. Vous allez à la guinguette. Alors, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Voilà, chers amis. Donc, chers amis, Scorpion, une rencontre importante. Donc, au bal ou pas, hein, au dancing, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous avez cette rencontre-là qui arrive. Ouvrez l'œil, sortez. En tous les cas, on peut voir, il y a quand même du monde. Donc, essayez effectivement, on le dit à chaque fois, mais sortez, rencontrez des personnes. C'est sûr que seul chez soi, ben, voilà, ça va pas, c'est pas l'idéal. Après, on peut aller sur les sites de rencontres, certes, mais enfin, voilà, là, on sent plutôt qu'on est au milieu d'une foule. Donc, ouvrez l'œil, restez aux aguets. Quelque chose arrive très certainement pour vous, chers amis scorpions. Sagittaire, l'avenir sentimental du Sagittaire pour le mois d'avril. Pas le bal. Alors, j'ai quelque chose. Ami Sagittaire, ami Scorpion, c'est si on se retrouvait un petit peu hein, ce mois-ci, il y a peut-être un truc à faire. Donc, pareil, ouvrez l'œil. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc, si vous êtes en couple, bah, peut-être que ça peut annoncer un changement de... un coup de foudre, on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri. En tous les cas, voilà, si ça arrive, c'est que... bah, déjà, prudence, pas quand même au coup de foudre. Hein. Mais enfin, voilà, quand on quitte une relation, généralement, c'est que c'est terminé et qu'il y avait pas certainement peut-être des sentiments qui n'étaient plus là. Si, en revanche, vous êtes seul, bah là, go, on fonce, hein, surtout. Voilà, et on ouvre l'œil, surtout. On ouvre l'œil. Allez, Capricorne. Voilà, j'étais sûre, j'allais finir par oublier. Et là, je pense bien qu'on en est Capricorne. Cette vidéo va durer une heure et finalement, on va repasser trois fois par signe. Allez, c'est bien mélangé. Capricorne. Avenir sentimental, avril. La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider vers les sentiers de la paix. Écoutez votre intuition, chers amis Capricorne. Voilà, là vous êtes peut-être un petit peu tourmenté. Ça ne va pas durer. Faites confiance à votre petite voix qui va vous mener vers les bonnes décisions en tous les cas. Allez Verseau, votre avenir sentimental pour le mois d'avril. Avenir sentimental, mois d'avril, nos amis les Verseaux. Printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. J'ai envie de dire, prenez le temps, tout le monde, chers amis Verseau, prenez le temps. Effectivement, il faut que le cycle se passe, il faut qu'un cycle se fasse aussi. N'essayez pas trop de forcer le truc en fait, n'essayez pas de forcer, prenez le temps de faire les choses, de laisser, d'accueillir les émotions, les sentiments. Là, nous sommes au printemps, c'est du coup ben, le mois où tout fleurit, où peut-être ben, les nouvelles histoires naissent, allez savoir, hein, pour nos amis les célibataires, et puis pour nos amis en couple, c'est aussi la période où tout refleurit, donc c'est plutôt de bon augure, je dirais. Donc prenez le temps de laisser tout ça refleurir ou fleurir, suivant votre situation. Un joli mois d'avril, donc. Allez, on termine par nos amis les petits poissons. Les petits poissons que vous réserve ce mois d'avril, côté sentimental. L'amour. Toujours l'amour. Ça fait du bien. Le jeu des apparences. Bah, belle carte. Là, pour le coup, on est sur un ton sur ton. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes ? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Eh bien oui, faites-vous accepter comme vous êtes. C'est très important. N'essayez pas de changer pour quelqu'un. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Oui, on peut faire des concessions, ça c'est clair. En revanche, on ne sait pas de changer, ça ne marche pas. Le naturel revient au galop. Donc n'hésitez pas à être vous-même, c'est comme ça que vous êtes belle ou beau. Restez vous-même sincère surtout et authentique. Et vous trouverez forcément eh bien, la perle rare et ou chaussure à votre pied. Prenez l'image qui vous parle. Moitié d'orange aussi, c'est ça. Mais en tous les cas, oui, restez surtout authentique. Comme ça, pas de faux semblants. Et c'est comme ça aussi qu'on sait si on a trouvé la bonne personne. Voilà, chers amis, c'était votre tirage amoureux pour le mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. C'était tout nouveau, c'était tout frais. Voilà, on a essayé et ça m'a fait vraiment plaisir de faire cela. J'espère vous retrouver eh bien, le mois prochain, peut-être pour de nouvelles prévisions et savoir. D'ici là, n'hésitez pas à me raconter un petit peu comment ça se passe. On aime bien vous lire, savoir ce qui se passe pour vous dans votre vie, ce que vous aimez voir aussi sur, comme vidéo. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas. On vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. Ciao !